On renoncera à peindre l'effet produit dans le monde entier par ce dénouement inattendu. Au Dunk Club, il y eut explosion. Il fut décidé à l'unanimité que Bloomsbury Frères, Bilby et le Major Elphinstone gagneraient sans retard San Francisco et aviseraient tout moyen de retirer le projectile des profondeurs de l'océan. On se rappelle que le secrétaire du Gun Club était parti quelques instants après le projectile et presque aussi vite que lui pour le poste de Long's Peak dans les montagnes rocheuses. Le savant Belfast, directeur de l'observatoire de Cambridge, l'accompagnait. Arrivés à la station, les deux amis étaient installés sommairement et ne quittaient plus le sommet de leur énorme télescope. Ce soir-là, les deux savants descendaient la pente des montagnes rocheuses et deux jours après, en même temps que leurs amis du Gun Club, ils arrivaient à San Francisco, ayant crevé 5 chevaux sur leur route. Elphinstone, Bloomsbury Frères, Bilby s'étaient précipités vers eux à leur arrivée. « Que faire ? » s'écrièrent-ils. « Repêcher le boulet, » répondit Maston, « et le plus tôt possible. »